Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée, par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 6. De plusieurs autres genres de souffrances infligées à l'âme, dans cette nuit. Deux choses extrêmes, qui se réunissent ici, l'une divine, l'autre humaine, servent encore à faire passer l'âme par une troisième sorte d'épreuve et de passion. La divine, c'est la contemplation qui purifie l'âme, l'humaine, c'est l'âme elle-même en tant que sujette à cette action. La première envahit l'âme et la dépouille de ses affections habituelles, et de toutes les qualités du vieil homme auquel elle était étroitement unie, attachée et assimilée, afin de la renouveler et de la perfectionner. Elle l'absorbe ensuite dans de si épaisses ténèbres, la brise et la détruit de telle sorte, que l'âme défaille et se consume à la vue de ses misères, tandis que son esprit passe par les angoisses de la mort. Il semble qu'elle soit engloutie dans les profondes et ténébreuses entrailles d'un monstre, où elle subit le travail de la décomposition. C'est l'agonie que devait éprouver Jonas dans le ventre de la baleine, livre de Jonas 2,1. Ainsi, dans l'attente de sa résurrection spirituelle, l'âme au fond de ce sépulcre endure les horreurs de la mort. Ce genre de torture et de tribulation est au-delà de toute expression. Cependant, David a essayé de le dépeindre en ces termes. Les angoisses de la mort m'ont environné, j'ai été assiégé par les douleurs de l'enfer, dans mon affliction j'ai invoqué le Seigneur, et j'ai poussé des cris vers mon Dieu. Psaume 17, 5, 6, 7. Cette âme affligée se voit l'objet de la répulsion divine, et son tourment est augmenté par la conviction que le Seigneur l'a prise en horreur, totalement abandonnée, et pour cela jetée dans les ténèbres. Cette pensée est pour elle une poignante et indicible douleur. Le saint roi avait été soumis à ces épreuves lorsqu'il disait, comme les blessés qui dorment dans le sépulcre et dont on ne se souvient plus, dont votre main elle-même s'est retirée, ainsi j'ai été jeté par eux dans une fosse profonde, dans le lieu des ténèbres et l'ombre de la mort. Votre fureur s'est appesantie sur moi, et vous avez fait passer sur moi tous les flots de votre colère. Psaume 87, 6, 7, 8. Au milieu des étreintes de cette contemplation qui la purifie, l'âme se voit à l'ombre de la mort, et semble participer aux angoisses et aux tortures de l'enfer, c'est-à-dire que se sentant privée de Dieu, châtiée, repoussée par lui, elle porte tout le poids de son indignation. À cet état présent, se joint l'épouvantable appréhension de croire que cela durera toujours. Enfin, pour comble de désolation, elle est en butte au délaissement et au mépris de toutes les créatures, même de ses amis. Vous avez éloigné de moi, poursuit David, tous ceux qui me connaissent, ils m'ont tué en abomination. Ibidem, 9. Le prophète Jonas peut aussi rendre témoignage de ses souffrances, les ayant expérimentées dans son corps et dans son âme. Vous m'avez jeté au milieu de la mer jusqu'au fond des eaux. J'en ai été submergé de toutes parts. Toutes vos vagues et tous vos flots ont passé sur moi, et j'ai dit, je suis rejeté de devant vos yeux, mais néanmoins je verrai encore votre temple saint. Jonas 2, 5. Ces derniers mots expriment l'espérance de l'âme, que Dieu purifie avant de l'admettre aux joies de la vision béatifique. J'ai vu les eaux envahir mon âme. L'abîme m'a enveloppé de toutes parts, les flots de la mer ont recouvert ma tête, je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes, les portes de la terre se sont fermées sur moi à jamais. Ibidem, 6, 7. Ces portes de la terre signifient ici les imperfections de l'âme, qui l'arrête et l'empêche de goûter les douceurs de la pure contemplation. Le quatrième genre de souffrance dévoile un autre côté de l'excellence de cette contemplation obscure. L'abîme de la majesté et de la grandeur divine fait découvrir à l'âme un autre abîme, celui de sa pauvreté et de sa misère, et c'est une des principales souffrances de l'état de purification dont nous parlons. En outre, un vide affreux, une profonde indigence se font sentir à l'âme, dans ce qui touche aux trois sortes de biens en rapport avec ses attraits, les biens temporels, naturels et spirituels. Au lieu de ces biens, elle ne constate que le mal opposé, et se voit avec les misères de ses imperfections, le vide et l'aridité de ses facultés, et la désolation de son esprit envahi par les ténèbres. La purification que Dieu exerce doit atteindre l'âme dans la partie sensitive et la partie spirituelle, dans les puissances intérieures et les puissances extérieures. Elle doit donc la tenir dans un état de vide, de pauvreté et d'abandon général, puis la livrer à la sécheresse, au dénuement et à l'obscurité, car c'est dans l'aridité que se purifie la partie sensitive, les puissances, dans le dépouillement de leurs opérations, et l'esprit, au sein des ténèbres. Telles sont les voies de Dieu dans la contemplation obscure, où l'âme souffre l'angoisse du vide, la soustraction momentanée de tous ses appuis et de toutes ses connaissances naturelles, tourment plein d'anxiété, comparable à celui d'une personne suspendue en l'air, et dont on arrêterait la respiration. Mais de même que le feu fait disparaître la rouille et les scories des métaux, ainsi Dieu va purifiant l'âme, émondant, anéantissant, consumant en elle toutes les habitudes imparfaites contractées jusqu'alors. Néanmoins, comme ces défauts ont jeté de profondes racines dans l'âme, leur extirpation lui fait éprouver d'ordinaire une véritable agonie et un trouble excessif, accompagné des souffrances les plus aiguës dans l'ordre naturel et spirituel. Alors se vérifie la parole d'Ézéchiel, « Mettez les os les uns sur les autres afin que je les fasse dévorer par les flammes, les chairs seront consumées, on fera cuire ensemble tout ce mélange, les os seront réduits à rien. » d'Ézéchiel 24, 10. Ainsi sont figurées les poignantes douleurs qu'endure la partie spirituelle et la partie sensitive de l'âme. Le même prophète ajoute, d'Ézéchiel mettait aussi la chaudière vite sur les charbons ardents, afin qu'elle s'échauffe, que les reins se fondent, que ses souillures se détachent au-dedans, et que sa rouille se consume. Ibidem, 11. C'est l'exposé de la passion douloureuse que subit l'âme, au milieu des ardeurs de cette contemplation purifiante, car au dire d'Ézéchiel, pour dégager le cœur et enlever les scories des affections désordonnées, il est nécessaire de s'annihiler pour ainsi dire soi-même, et de détruire la mauvaise nature que les passions et les imperfections ont formée en nous. Au milieu de cette fournaise, l'âme se purifie comme l'or dans le creuset, selon la parole du sage, il les a éprouvés comme l'or dans la fournaise, Sagesse, 3, 6. Sous l'action terrible de cette grande destruction, qui va jusqu'au plus intime de son être, et s'ajoute au sentiment de son extrême pauvreté, elle est alors comme défaillante, ainsi qu'on le voit par ce passage de David criant à Dieu, « Sauvez-moi, ô accent circonflexe mon Dieu, parce que les eaux sont entrées jusque dans mon âme, je suis enfoncé dans une boue profonde, où il n'y a plus rien qui me soutienne, je suis descendu dans la profondeur de la mer, et la tempête m'a submergé, je me suis lassé à force de crier, et ma gorge en a été enrouée, mes yeux se sont fatigués de regarder et d'attendre mon Dieu en qui j'espère. » Psaume 68, 1, 2, 3, 4. Le Tout-Puissant humilie profondément l'âme dans cet état, pour l'exalter ensuite grandement, si sa providence n'avait pas soin de tempérer bientôt ses afflictions. L'âme qui les éprouve abandonnerait rapidement son corps, aussi ses désolations intérieures n'ont-elles pas une durée permanente, mais parfois elles sont si poignantes que l'âme croit voir l'enfer entrouvert sous ses pas, et sa perte lui semble assurée. On peut dire en toute vérité de ces âmes qu'elles descendent en enfer toutes vivantes, pour s'y purifier comme dans une sorte de purgatoire. Elles font dès cette vie le travail d'expiation qui leur était réservé dans l'autre monde pour leurs fautes véniels, mais, après avoir été soumise à ces épreuves, l'âme est toute pure, aussi ne sera-t-elle pas livrée aux flammes expiatoires, ou ne fera que les traverser, car une seule heure de souffrance ici-bas profite davantage que beaucoup d'autres passées en ce lieu d'expiation. Chapitre 7. Suite du même sujet, des autres afflictions et angoisses de la volonté. Les désolations et les souffrances de la volonté atteignent, ici, des proportions inouïes, parfois elles transpercent l'âme par la vive et subite impression des maux, où elle se voit plongée, et par l'incertitude d'en trouver le remède. À cette pensée vient se joindre le ressouvenir des prospérités passées, car, avant de pénétrer dans la nuit obscure, les hommes spirituels ont habituellement savouré en Dieu de grandes douceurs, et se sont dévoués généreusement à son service. Leur douleur s'augmente donc en se voyant privés de ces joies, et dans l'impuissance de les ressaisir. Job nous peint cet état avec l'autorité de l'expérience. Moi autrefois si opulent, me voici tout à coup devenu poussière. Il m'a saisi au col et m'a brisé, il a fait de moi comme un but qu'il vise. Ses lances m'environnent de toutes parts, il m'en a transpercé les reins sans miséricorde, et mes entrailles se sont répandues à terre, il m'a déchiré et m'a fait plaie sur plaie. Il est venu fondre sur moi comme un géant, j'ai pris sur ma peau un sac pour vêtements et j'ai couvert ma chair de cendres. Mon visage s'est huméfié à force de larmes et mes paupières se sont obscurcies. Job 16, 13, 14, 15, 16, 17. Si nombreuses et si rigoureuses sont les amertumes de cette nuit, si abondants sont les témoignages de la Sainte Écriture à leur appui, que le temps et les forces nous manqueraient pour les signaler tout. Les textes énoncés plus haut ont pu en donner une faible idée, mais toutes nos comparaisons restent sans aucun doute au-dessous de la réalité. Je ne veux cependant pas terminer l'explication de ce vers sans citer ce passage de Jérémie, qui donnera à l'âme un aperçu des horreurs de la nuit spirituelle. Je suis un homme qui voit ma misère sous le coup des verges de l'indignation du Seigneur, il m'a conduit, et il m'a amené dans les ténèbres, au lieu de me mettre dans la lumière, sa main s'est tournée retournée sans cesse sur moi pendant tout le jour, il a fait vieillir ma peau et dessécher ma chair, il a brisé mes os, il a construit autour de moi une circonvallation de fiel et de labeur, il m'a mis dans les lieux ténébreux qu'habitent ceux qui sont morts à jamais, il a élevé des remparts contre moi, afin que je n'en sorte point, il a appesanti mes fers, en vain je crierai vers lui, en vain je le prierai, il a rejeté ma prière, il a fermé mon chemin avec des blocs de pierre, détruit mes sentiers, il est devenu pour moi un ours en embuscade, un lion caché qui m'attend, il a détruit mes sentiers, et m'a laissé rompu et désolé, il a tendu son arc, et a fait de moi le but de ses traits, il m'a lancé dans les reins toutes les flèches de son carquois, je suis devenu le jouet de tout mon peuple, le sujet de leurs chansons pendant tout le jour, il m'a rempli des amertumes, il m'a enivré d'absinthe, il m'a brisé les dents sans m'en laisser une seule, il m'a nourri de cendres, la paix a été bannie de mon âme, et j'ai oublié tout bonheur. J'ai dit en moi-même, enfin c'en est fait de moi, et de mon espoir en Dieu, souvenez-vous de ma misère, de l'excès de mes maux, de l'absinthe et du fiel dont je suis abreuvé, pour moi je repasserai toujours ces choses dans ma mémoire, et mon âme se desséchera alors en moi-même. C'est Lamentations, livre 3, du prophète s'applique à merveille aux douleurs et aux tribulations de l'âme, et nous dépeigne d'une manière saisissante les angoisses inséparables de la nuit spirituelle. Combien n'est-elle pas digne de compassion, l'âme que Dieu introduit dans cette affreuse et horrible nuit? Elle en recueillera, il est vrai, des biens considérables à l'heure où, nous dit Job, Dieu découvre ce qui était caché dans de profondes ténèbres, et produit au jour l'ombre de la mort. Citation 12, 22, lorsque, selon David, les ténèbres deviennent éclatantes comme la lumière du jour même, psaume 138, 12, néanmoins le poids qui pèse sur l'âme et l'accompagne partout, est si lourd, l'incertitude du remède est si anxieuse, elle se figure tellement que ses maux n'auront point de fin, que, l'esprit et le cœur abîmés dans une profonde douleur, elle perd tout courage et croit, comme Jérémie, à l'éternité de son malheur. Elle peut dire alors avec le prophète royal, « Il m'a jeté dans les lieux obscurs, comme ceux qui sont morts depuis plusieurs siècles, Ibidem, 142, 4. Cette âme, je vous le demande, ne mérite-t-elle pas une immense commisération ? À ce tableau lamentable vient s'ajouter encore un autre sujet d'affliction. C'est la solitude et le délaissement de cette nuit qui ne permettent pas à l'âme de trouver le moindre conseil, le moindre appui ni dans les livres, ni auprès d'aucun directeur spirituel. En vain celui-ci fait, il va loir toutes les raisons qui peuvent la consoler, l'assurant qu'il résultera un bien de toutes ses peines. Elle n'y veut pas ajouter foi, elle est tellement abreuvée d'amertume et submergée dans un océan de maux, où elle voit distinctement ses misères, qu'elle s'imagine être incomprise de son directeur, et n'attribue le langage de celui-ci qu'à l'ignorance de ce qu'elle éprouve au fond du cœur. Ses entretiens, loin de la consoler, accroissent sa douleur. Ne pouvant y trouver le remède à son état de souffrance, il n'y est pas, car tant que la purification n'aura pas atteint le degré voulu par le Seigneur, aucun moyen, aucun adoucissement ne sera capable de calmer les angoisses de ce cœur. Le prisonnier enfermé pieds et poings liés dans un obscur cachot, étendu sans mouvement, ne voit venir et n'attend plus de secours, ni d'en haut ni d'en bas. Ainsi, l'âme incapable par elle-même de hâter sa délivrance demeurera dans l'angoisse et dans les ténèbres, jusqu'à ce que son esprit soumis, humilié et purifié, et acquis, par son dégagement absolu de tout, l'immatérialité, la simplicité et la délicatesse au moyen desquels il ne fera plus qu'un avec l'Esprit de Dieu, selon la mesure où sa miséricorde lui accordera l'union d'amour. En raison de cette mesure, l'épreuve sera plus ou moins forte et aura une durée plus ou moins longue. Mais si l'union doit être sérieuse et durable, la purification, si rigoureuse qu'elle soit, se prolongera des années, avec des intervalles toutefois de consolation que Dieu dispensera à l'âme. En interrompant la forme et le mode de cette contemplation purifiante, pour la rendre illuminative et amoureuse, l'âme, sortie alors de sa prison ténébreuse et de son noir cachot, retrouve sa pleine liberté. Les communications spirituelles lui redeviennent faciles et abondantes, elle savoure à longs traits la paix et la douceur d'une familiarité pleine d'amour avec Dieu. C'est l'indice du salut que cette purification opère en elle, et le présage des grands biens qui l'attendent. Cette joie parfois est si intime que le temps de la tribulation semble être arrivé à son terme. C'est le propre des choses spirituelles, surtout lorsqu'elles sont plus élevées, de faire subir à l'âme ses alternatives, tantôt l'heure de l'épreuve semble ne jamais devoir finir, et l'âme croit alors que tout son bonheur lui est ravi sans retour, comme nous l'avons vu par les témoignages déjà cités, tantôt, au jour de la consolation elle suppose que tous ses maux sont finis, et que les biens dont elle jouit ne lui seront jamais enlevés. David le confesse au sein des délices, « Pour moi, étant dans l'abondance, je me suis dit, rien ne m'en fera plus déchoir. » Psaume 29, 7. Cela vient de ce que deux choses contraires ne peuvent habiter ensemble dans l'âme, tout entière au sentiment de l'une, elle n'offre plus de place à l'autre, ces changements sont moins accentués dans la partie sensitive, parce qu'elle ne saisit pas si vivement les choses, mais l'esprit qui n'est pas purifié complètement, si fort et si vigoureux qu'il soit, sera toujours exposé à souffrir davantage, en proportion de cette attache aux affinités contractées par la partie inférieure. Le roi prophète en est un exemple frappant. Au temps de la prospérité, il se flattait que ses vicissitudes ne l'atteindraient plus. Cependant, lorsqu'il retombait sous le coup de l'épreuve, il changeait de langage, c'était « Seigneur, par un pur effet de votre volonté que vous m'aviez affermi dans l'état si florissant où j'étais, vous avez détourné de moi votre visage, et j'ai été tout rempli de troubles, ibidem, 8. De même, l'âme qui se voit comblée de biens spirituels, ne considère plus les germes d'imperfection et d'impureté qui lui restent encore, elle se berce de l'espoir de n'être plus assujettie au labeur d'autrefois. Néanmoins, avant sa totale purification, cette pensée ne traverse que rarement son esprit, parce que l'abondance des douceurs n'est pas assez grande pour lui voiler entièrement les mauvais rejetons enracinés dans son cœur. L'âme ne laisse pas de sentir, dans l'intime de son être, un je ne sais quoi qui lui manque, ou qui lui reste à faire, et qui ne lui permet pas de jouir sans mélange du soulagement qu'elle éprouve. Chez elle vit toujours l'ennemi domestique, et, bien qu'il soit tranquille et comme endormi, on presque un jour il redressera la tête et fera des siennes, en lui livrant une guerre plus cruelle que jamais. Bientôt la souffrance et l'obscurité reviennent, et ce dernier état se prolonge davantage peut-être que le précédent. Aussi la pauvre âme se persuade-t-elle de nouveau que tous ses biens sont perdus sans retour. L'expérience des consolations dont elle a été comblée après le premier temps d'épreuve, alors que la souffrance semblait à jamais bannie de son cœur, ne lui suffit pas. Elle est portée à croire que ses alternatives de joie et de tribulation ne reviendront plus, et que cette fois les jouissances et les délices ont fui à jamais. Je l'ai dit, cette ferme croyance est motivée par la disposition actuelle de l'esprit, qui détruit tout principe de joie et d'espérance. À la vérité, les âmes qui traversent cette voie purifiante aiment Dieu très ardemment au milieu de leurs peines. Leur amour est sincère, car volontiers elles donneraient mille vies pour le lui témoigner. Cependant cet amour, loin d'être un soulagement, accroît encore leur souffrance. D'une part, elles aiment Dieu au point de n'avoir nul souci de tout le reste. De l'autre, à la vue de leur profonde misère, elles en viennent à douter de l'amour de leur Rédempteur. Elles croient d'ailleurs en être indignes, puisque tout en elle leur semble fait pour inspirer de l'horreur non seulement au Créateur, mais encore à toute créature, qu'elle n'est donc pas la mère douleur de ces âmes, qui voient en elle les causes de l'éternelle indignation de celui qu'elles aiment souverainement, et qui est l'unique objet de leur désir. Chapitre 8. Autre peine qui afflige l'âme dans cet état. Un nouveau sujet de larmes et d'angoisse pour l'âme, c'est de sentir ses puissances, et ses affections comme liées, et enchaînées, au sein de cette nuit obscure, en sorte qu'il lui est impossible d'élever comme autrefois son cœur. et son esprit à Dieu, la prière lui devient difficile. Elle partage le sentiment de Jérémie disant à Dieu, « Vous avez mis une nuée au-devant de vous afin que notre prière ne passe point jusqu'à vous. » Lamentations 3, 44. C'est la confirmation du texte allégué plus haut. Il a fermé mon chemin avec des pierres carrées. Ibidem 9. Si parfois l'âme se livre à l'exercice de l'oraison, c'est avec une désolante sécheresse, le dégoût dont elle est accablée la porte à croire que le Seigneur est sourd à ses clameurs, et n'y prête aucune attention. Le même prophète nous le révèle par cette plainte, « En vain je crierai vers lui et je le prierai, il a rejeté ma prière. » Lamentation 3, 8. C'est alors le moment de mettre sa bouche dans la poussière, Ibidem 29, comme nous y exhorte Jérémie, et de subir avec patience l'épreuve de la purification. Dieu seul est l'auteur de cette opération douloureuse, à laquelle l'âme ne peut rien, incapable de s'appliquer à la prière, de prêter une attention soutenue aux choses spirituelles. Elle est également impuissante à s'occuper d'affaires temporelles, plongée dans une abstraction profonde. Sa mémoire lui fait souvent défaut, et de longs moments s'écoulent sans qu'elle sache si elle a fait ou pensé telle ou telle chose. En dépit de ses efforts, elle ne saurait fixer son esprit sur l'action présente, ni sur celle qui doit suivre. Ici non seulement l'entendement se purifie de sa manière imparfaite de concevoir, et la volonté se dégage de ses affections, mais encore la mémoire se vide de ses connaissances et de ses raisonnements. Travail d'anéantissement absolument indispensable pour réaliser la parole de David, « Je me suis trouvé réduit au néant, sans le savoir », PS 72, 22. Cette ignorance signifie l'abstraction de la mémoire, qui est le résultat de la contemplation et du recueillement intérieur où l'âme est absorbée. Il lui a été utile d'être revêtu avec toutes ses puissances de la céleste et obscure lumière de contemplation, de manière à s'isoler des affections et des connaissances des créatures, afin d'être convenablement disposé à la divine union d'amour. Cette abstraction intérieure sera en raison directe de l'intensité de la contemplation. Plus la lumière divine est pure et simple, plus elle jette l'âme dans les ténèbres en l'envahissant, plus aussi elle la dégage de ses affections particulières, et la dépouille de ses connaissances naturelles ou surnaturelles, par opposition. À mesure que la simplicité et la pureté du rayon divin diminuent, il aveugle moins l'âme et lui laisse plus de liberté dans ses opérations. Soutenir que la lumière surnaturelle est d'autant plus obscure à l'âme que ses splendeurs sont plus vives, et vice-versa, n'est-ce pas avancer un paradoxe? Nous le comprendrons néanmoins en nous rappelant la maxime d'Aristote, citée plus haut, que plus les choses surnaturelles sont distinctes et claires en elles-mêmes, plus elles sont obscures pour notre entendement. Sous l'action de cette sublime contemplation, dont la lumière accable les forces naturelles, l'âme se voit enveloppée de ténèbres, à l'égard des affections et des connaissances que la lumière naturelle lui faisait découvrir autrefois. À l'obscurité où elle est plongée, se joint le vide de ses puissances et de ses appétits. Au double point de vue spirituel et naturel, au milieu de ces délaissements, la lumière surnaturelle poursuit son œuvre purifiante, et illumine l'âme à son insu. Le rayon de lumière est insaisissable quand il est pur, mais s'il rencontre un objet qui le reflète, son existence se révèle à l'instant. Ainsi en est-il de la lumière dont l'âme est envahie, et qui se déroba elle en raison même de sa vive clarté, trouve-t-elle à se refléter sur une connaissance quelconque, c'est-à-dire, s'agit-il d'apprécier la vérité ou la fausseté d'une chose, de discerner tel point particulier de perfection, Aussitôt l'âme le saisit et le comprend avec beaucoup plus de netteté qu'avant d'avoir traversé ses obscurités. Sans doute, la nature du rayon est d'être impalpable, mais avancez la main. Immédiatement la présence du rayon devient perceptible. De même, la lumière de contemplation fait distinguer aussitôt à l'âme l'obstacle, ou en d'autres termes, l'imperfection qui se présente à elle. La simplicité et la pureté de cette lumière générale ne lui permettent pas de se restreindre à aucun mode particulièrement intelligible, soit naturel ou surnaturel, mais quand les puissances de l'âme sont anéanties à l'égard de toute connaissance, elles acquièrent une admirable aptitude pour connaître et pénétrer universellement, et sans effort, tout ce qui leur est offert dans l'ordre supérieur ou inférieur. L'apôtre dit en ce sens, l'esprit pénètre tout, jusqu'aux secrets les plus profonds de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. On peut également appliquer à cette sagesse pure et générale, l'oracle que le Saint-Esprit met dans la bouche du sage, elle atteint partout à cause de sa pureté. Sagesse 7, 24, c'est à dire qu'elle ne s'arrête à aucune connaissance ni à aucune affection spéciale. Telle est, en effet, la propriété de l'esprit anéanti et purifié, à l'égard de toutes les choses intelligibles particulières. En renonçant à comprendre ou à goûter quelque chose de distinct, il trouve dans ce vide, dans ces obscurités, dans ces ténèbres la plus excellente disposition pour embrasser toute chose. La parole de saint Paul se réalise alors mystiquement en lui, il n'a rien et possède tout. 2 Corinthiens 6, 10. Une béatitude si précieuse est le prix d'un parfait dénuement spirituel.